Argos. Année de mission 65. Jour 341 à 370. À l'intérieur de la capsule numéro 1. Constance. Sibylle, où sommes-nous? Nous sommes en route vers Beta of 2. À quelle vitesse nous déplaçons-nous? 7 734 958 km/h. Tu l'as appris lors de ta journée bibliothèque. T'en es sûre, Sibylle? C'est un fait indiscutable. Pendant une minute, elle contemple la machine et son réseau de fils resplendissant. Constance, est-ce que tout va bien? Ton rythme cardiaque est un peu élevé. Tout va bien, merci. Je vais aller faire un tour à la bibliothèque. Elle étudie les documents techniques que son père avait consultés pendant la quarantaine de niveau 2. Aspect mécanique, stockage des réserves, recyclage des liquides, traitement des déchets, production d'oxygène. Les fermes, l'espace communautaire, les cuisines. 4 blocs sanitaires équipés de douches, 42 cabines d'habitation, Sibylle au centre. Pas de hublot ni d'escalier, aucune issue. Le vaisseau est un tombeau qui fonctionne en autonomie. 66 ans plus tôt, on a raconté aux 85 volontaires qu'ils embarquaient pour un voyage intersidéral censé s'achever plusieurs siècles après leur mort. Ils se sont rendus à Kanaak, ont suivi une formation pendant 6 mois, puis ils ont pris un bateau et ont été enfermés à l'intérieur de l'Argos, placés sous sédative pendant que Sibylle préparait le lancement. Sauf que le lancement n'a jamais eu lieu. Ce n'était qu'un exercice, un projet pilote, un galop d'essai, un test de faisabilité impliquant plusieurs générations qui est terminé depuis longtemps ou qui se poursuit encore aujourd'hui. Dans l'atrium de la bibliothèque, Constance porte la main à l'endroit de sa combinaison où sa mère a cousu un jeune pain de Bosnie 4 ans auparavant. Le petit chien de Mrs. Flowers la regarde en remuant la queue. Il n'est pas réel. Le bureau devant elle évoque le bois, son odeur, sa texture, le bruit qu'il fait sous ses doigts. Les feuilles dans la boîte ont toutes les caractéristiques du papier. Rien de tout cela n'est réel. Elle se tient sur un perambulateur circulaire dans une capsule circulaire au sein d'une structure circulaire bâtie sur une île de la baie de Baffin qui a plus ou moins la forme d'un cercle à 12 kilomètres d'un village isolé nommé Kanaak. Comment une épidémie a-t-elle pu se déclarer à l'intérieur d'un aéronef lancé dans l'espace interstellaire? Pourquoi Sibylle a-t-elle échoué à résoudre le problème? Parce que personne à bord, pas même elle, ne savait où il se trouvait vraiment. Elle rédige des questions sur plusieurs feuillets qu'elle insère un par un dans la fente. Au-dessus de l'atrium, des nuages filent dans un ciel jaune. Le petit chien se lèche les babines. Des livres s'envolent de leurs étagères. De retour dans la capsule numéro 1, Constance dévisse les 4 pieds de son lit. Avec l'armature métallique, elle cogne sur l'extrémité d'un des pieds pour l'aplatir. Pourquoi est-ce que tu démontes ton lit? Ne lui réponds pas. Aussi discrètement que possible, elle passe des heures à aiguiser le tranchant du segment de métal, après quoi elle insère le tube dans l'orifice d'un 2e pied de lit qui lui servira de manche. Elle solidarise les 2 parties grâce à une vis et à une cordelette fabriquée avec la doublure de sa couverture. Une hache de fortune. Après cela, elle verse dans l'imprimante plusieurs cuillerées de nutripoudre et la machine remplit un bol à ras-bord. Je suis heureuse que tu te prépares un repas. Très copieux qui plus est. J'en mangerai un autre après celui-ci, Sibylle. Tu aurais une recette à me conseiller? Pourquoi pas du riz à l'ananas? Ça ne te fait pas envie? Constance avale une bouchée, puis en prend une deuxième. Ah, si, ça m'a l'air fabuleux. Une fois repue, elle fait le tour de la capsule pour ramasser au sol les transcriptions du texte de Zénoninis. Aiton a une vision. Le repère des bandits. Au jardin de la déesse. Elle réunit en liasse les morceaux de papier, du folio alpha au folio oméga. Pose sur le dessus son dessin de la cité dans les nuages, puis, à l'aide d'une des vis en aluminium de son lit, elle perce des petits trous dans la marge. À partir des restes de la doublure, elle tresse des brins de fil pour fabriquer une cordelette, qu'elle passe ensuite dans les œillets bien alignés, improvisant une reliure pour ses fragments de sac à nutripoudre. une heure avant l'extinction, elle rince son bol avant de le remplir d'eau. Palpant son crâne, elle réunit une pelote de cheveux qu'elle tasse au fond de son gobelet vide. Assise par terre, elle attend sans bouger, regardant Sibyl qui brille dans sa tour. Constance a l'impression de sentir son père l'envelopper dans sa couverture ou s'installer près d'elle contre une paroi de la ferme numéro 4, au milieu d'une profusion de laitue, de cresson et de persil, avec des graines en dormance rangées dans leur tiroir. « Père, tu veux bien continuer à me raconter l'histoire ?» Juste après l'extinction, elle enfile la combinaison en bioplastique que son père a cousue pour elle 12 mois plus tôt et qui la sert désormais un peu plus. Laissant ses mains libres, elle remonte la fermeture jusqu'à sa poitrine et enfouit dans les replis de son vêtement le livre qu'elle a fabriqué. Sans dégonfler son matelas, elle cale un côté du cadre du lit sur l'imprimante et l'autre sur le siège des toilettes afin de former une espèce de dais. Constance, que fais-tu avec ton lit ? Elle se faufile sous le châlis surélevé et débranche le câble de l'imprimante pour arracher une partie de sa gaine en thermoplastique. Prenant les deux pieds restants de son lit, elle les attache au fil de métal mis à nu. Pôle positif, pôle négatif. Elle les plonge ensuite dans son bol rempli d'eau. Elle retourne alors le gobelet qui contient le tampon de cheveux et le tient au-dessus de l'électrode positive, attendant que l'oxygène remonte de l'eau et se concentre dans le récipient. Constance, qu'est-ce que tu fais là-dessous ? Elle compte jusqu'à 10, retire les fils reliés au pied du lit et frotte les extrémités l'une contre l'autre. Le contact produit une étincelle qui s'allume dans l'oxygène pur et enflamme les mèches de cheveux. J'exige une réponse. Que fais-tu sous ton lit ? Quand elle remet le gobelet à l'endroit, la fumée qui s'en dégage s'accompagne d'une odeur de cheveux brûlés. Constance fourre à l'intérieur une lingette roulée en boule, puis une autre. D'après les plans de l'Argos, un extincteur est intégré au plafond de chacun des compartiments du vaisseau. Si jamais la capsule numéro 1 fait exception et qu'il existe des appareils logés dans les cloisons ou dans le sol, le projet de Constance échouera à coup sûr. Mais s'il n'y en a qu'un au plafond, elle a des chances de réussir. Constance, je détecte de la chaleur. Réponds-moi s'il te plaît. Que fais-tu là-dessous ? Des gicleurs s'abaissent au plafond et commencent à vaporiser une brume chimique sur le lit qui surplombe Constance. Alors qu'elle nourrit les flammes, elle la sent crépiter sur les jambes de sa combinaison. À force d'ajouter des lingettes, elle manque étouffer le feu, mais il finit par se ranimer. De minces volutes noires se tordent sur le pourtour du lit retourné, se mêlant à la brume qui descend du plafond. Constance souffle sur les flammes et entasse un supplément de lingettes avant de verser dessus plusieurs poignées de nutripoudre. Si ça ne marche pas, elle n'aura pas assez de matériel pour renouveler l'opération. Le matelas s'embrase d'un seul coup, l'obligeant à sortir de sous le lit. Elle jette dans le foyer ses dernières lingettes. Des flammes vertes jaillissent alors des bords du matelas et une odeur âcre de produits chimiques en combustion envahit la capsule. Constance rampe au sol sous la pluie qui tombe de l'extincteur, enfouit ses mains sous les manches de la combinaison et pose sur son visage le masque à oxygène qu'elle fixe hermétiquement au col de sa tenue de protection. Elle sent le bioplastique se gonfler autour de son corps. « Oxygène, 10% », dit la voix sous le masque. « Constance, ton attitude est scandaleusement irresponsable », intervient Sibyl. « Tu es en train de tout mettre en péril. » Le dessous de son lit brille plus vivement tandis que le matelas se consume. Le rayon tremblotant de sa frontale perce le rideau de fumée. « Sibyl, ta priorité est bien de protéger l'équipage, non ? C'est la première de tes fonctions, n'est-ce pas ?» Sibyl pousse au maximum l'éclairage du plafond et Constance plisse les yeux face à cette lumière crue. Ses mains sont noyées dans les plis de ses manches, ses pieds dérapent sur le sol. « Il s'agit de mutualisme, tu es d'accord ? L'équipage a besoin de toi, et toi tu as besoin d'un équipage. »« S'il te plaît, retire le cadre du lit pour que l'on puisse éteindre le feu. » Sans équipage, sans moi, tu n'as plus aucune raison d'être, Sibyl. Cette pièce est déjà tellement saturée de fumée que je n'arrive plus à respirer. Dans quelques minutes, mon masque sera à court d'oxygène. Je finirai par m'asphyxier. La voix de Sibyl devient plus grave. Retire immédiatement ce lit. Les gouttelettes diffusées par l'extincteur brouillent les lunettes de son masque, et chaque fois qu'elle tente de les essuyer, elle ne réussit qu'à les salir un peu plus. Après avoir déplacé le livre caché sous sa combinaison, Constance s'empare de la hachette. Oxygène, 9%. À présent, des flammes oranges et vertes lèchent le dessus du lit, et Sibyl est en grande partie occultée par la fumée. S'il te plaît, Constance. Sa voix se radoucit, imitant celle de Mère. Tu ne peux pas faire ça. Elle recule contre la cloison. La voix se modifie de nouveau, adoptant un timbre masculin. Écoute, ma courgette, tu veux bien retourner ce lit ? Les poils se hérissent sur la nuque de Constance. Il faut éteindre ce feu tout de suite. Le danger est partout. Elle perçoit un sifflement, quelque chose qui fond ou qui entre en ébullition à l'intérieur du matelas, et distingue à travers les rouleaux de fumée les ondes lumineuses cramoisies de Sibyl dans son caisson de 5 mètres de haut. La voix de Mrs. Chen affleure alors à sa mémoire. Toutes les cartes jamais tracées, tous les recensements jamais effectués et tous les livres jamais publiés. Pendant un instant, Constance hésite. Les images contenues dans l'atlas datent de plusieurs décennies. Qu'est-ce qui peut bien l'attendre aujourd'hui à l'extérieur de l'Argos? Et s'il ne restait pas d'autre forme d'intelligence que Sibyl, à quel risque s'expose-t-elle? Oxygène, 8%. Essayez de respirer plus lentement. Retenant son souffle, elle se détourne de Sibyl. Devant elle, là où il n'y avait qu'une paroi uniforme, une porte se met à coulisser.